freestyle pour elle, tout ça en peine de cœur. Et pour moi, pour Kim. Effectivement, tellement accro, j'y ai cru de trop. J'aime pas vu que je m'accrochais à rien. En fait, je le vis, je le sentais que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Cette fille, je la kiffe encore aujourd'hui. Elle est si jolie, je ne voulais pas la laisser partir. Je voulais m'engager du jour au lendemain. Je ne lui ai plus tellement déçu, défouraillé par la vie. Tu en veux à la terre entière, tant qu'elle lui écrivait des poèmes qui disent sans et je t'aime. Je me montre pas ce qui a pu se passer alors que quelques temps passés au ciné, un véritable conte de fées par ses lèvres sensuelles qui sont venues se glisser sur les tiennes. Tu as plané au septième ciel, tu t'en mets pas parce que tu te souviens des moments où elle t'avouait tous ses sentiments. Des je t'aime, je ne veux pas te père, je vais te gâter, tu m'as même dit ma belle, je t'aime de trop, si je ne peux t'aimer maintenant, quand pourrais-je, et maintenant tu me dis qu'avec moi tu t'ennuies, tu as retourné mon cœur, et c'est vrai, j'en ai peur. C'était si long avant de t'avoir dans ma vie, tu sais pas combien de temps j'ai dû attendre avant d'embrasser des gens, des princesses comme toi. Et maintenant tout se termine, je pensais pas que ça allait être des putains de bluffs. Feu de fleur, je pensais à quelque chose qui en plus concrétiser, tout s'est stoppé, d'un coup tout s'est arrêté. Je l'avoue, je suis en train de regretter, je culpabilise. Si je te le dis, c'est pas pour te faire souffrir, c'est pour que je me dégage de cette rage. Ça me manque, je me souviens toujours de l'an. Surtout, j'ai envie de t'appeler encore ma chérie, mais c'est fini. Tout est SMS avec des bébés, je t'aime. Comment ça me manque, j'ai plus envie. C'est un gouffre qui chaque jour au fond de moi serait ouf. J'adorais quand tu m'étais, j'ai besoin de toi. Mon amour, je te l'ai dit, si tu m'écoutes et tes larmes coulent, c'est pas pour que tu souffres, mais je veux me libérer. T'as une telle emprise que ce vide s'empire quand je ne te vois pas ou que je ne te parle pas. C'était magique par le hasard, ça fait comme ça un blanc d'apôtre. Tu l'aimais comme on se branche, tu m'as fait même la gueule d'ange. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi et reprends à zéro. On fait une remise à niveau, tu voulais plus le mec qui ne pense qu'à la baisse. Moi, si tonne que j'ai pu être, elle est, t'es belle. Une chauve de princesse qui t'ensorcelle, un visage de rêve, regard qui t'émerveille, qui casse cette carcasse, mais te brise l'âme quand elle casse. On aurait dit une relation paradisiaque à Las Vegas. Et d'une minute à l'autre, c'est l'impasse, malgré tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que c'est possible qu'entre nous deux, cette flamme serait à vivre? Est-ce que l'on pourra revivre notre conte de fées? Est-ce que l'on pourra encore se réembrasser? Toi et moi au ciné, toi et moi s'entrelaçant, se foutant du regard des gens. Pourquoi ça s'est terminé comme ça? Je ne comprends pas. Dis-moi s'il y a un moyen pour que nous deux on se referait un chemin, main dans la main, main des mains devant. On s'est dit qu'on s'aimait, tout ça m'a brisé. Comme brusquement ça s'est terminé. Tu voulais relation sérieuse, moi je voulais une meuf heureuse. Je voulais te faire vivre une vie merveilleuse. J'y ai cru, pourtant je sentais que c'était peine perdue à mon égard. En toi de la méfiance et de la lassitude, j'ai lu, c'est vrai, j'en ai la rage. On veut un peu, vu tous tes soucis. J'aurais pu être mieux et deviner ce qui aurait pu te faire sourire. Est-ce que je peux espérer que tu me reviennes amoureuse? C'est certain, au bout de deux semaines ça fout la haine. Mes larmes ont coulé à flot quand je rappe ces mots. J'en ai encore le sanglot. J'en ai tellement charlé ma race que j'en ai perdu mon âme. Mes peines avaient remplacé mes rêves, c'était dingue. J'avais l'impression de perdre quelqu'un. Pire de me perdre moi-même dans un trou où rien ne peut me sauver. Si ce n'est que l'amour, j'avais peur de te perdre. J't'ai perdu, c'est fou, tout va si vite. Tu surfes sur les nuages au paradis et d'un coup l'orage vient. Le casse, tu tombes, soit tu ne réatterris pas, soit tu meurs quand t'es arrivé en bas, tu t'écrases. Ou soit tu restes fort, tu passes à autre chose. Laisse-moi rêver de te réembrasser, de te recaliner, me sentir responsabilisé. Toi entre mes bras, ton parfum qui me charme. Je suis là, je suis ton garde, je sais, j'étais là. Reviens chou, reviens. Quel temps je pourrais faire pour elle. Ok.